L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. 10 books, un oratorio pour un amour éternel qui sera à l'affiche à l'apostrophe ce Théâtre des Arts les 7 et 8 avril 2016 avec un premier rendez-vous qui aura lieu en tout début d'année 2016, le mardi 12 janvier, précisément à 19h à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy-Centre pour assister à une répétition publique. Nous allons en parler avec François Méchali, notre invité, compositeur et contrebassiste, en charge de la conception et de la direction musicale de ce spectacle. Il est question, François Méchali, de théâtre musical, ai-je lu ? Alors, la rencontre et la collaboration avec d'autres artistes qui apportent leur contribution à cette création. Tout d'abord, pour la mise en scène, Marc Prince, et pour l'adaptation, Agnès Marietta. C'est exact. Bonjour. Bonjour. Alors, effectivement, on l'intitule théâtre musical. Moi, je l'intitule en même temps opéra de poche. La frontière entre les deux, elle est difficilement cernable. En sachant que les deux personnages principaux sont chantés en permanence, et c'est une histoire d'amour, c'est un Roméo-Juliette, avec ces deux personnages qui s'appellent Léa et Anan, qu'on retrouve dans cette épopée du D-Book. Alors, le fait de réécrire, j'ai demandé à Agnès Marietta, enfin on a convenu ensemble avec Jean-Joël sur le choix d'Agnès Marietta comme auteur pour pouvoir réécrire écrire un livret, c'était en même temps un peu complexe dans le sens où la pièce de Shlomo Anski est une pièce donc de théâtre assez longue, il y a eu un film qui a été tiré là-dessus, et moi je voulais en tirer quelque chose qui soit effectivement extrêmement chanté, donc c'est pour ça que c'est un oratorio au départ, ça devient un opéra, et en même temps il fallait trouver la frontière entre le passage, entre le sortir du communautarisme, qu'on retrouve dans effectivement cette pièce du 19e de Shlomo Anski, où on est vraiment dans le shtetl, dans le village donc juif, et il fallait en même temps le rendre, cette pièce, à mon avis, plus universelle au niveau du sens, sans en oublier les origines. Voilà, c'est un peu la gageure qu'on a eue avec Agnès, puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble sur le sens du texte. Alors, quand vous parlez du texte de Shlomo Anski, lui, au départ, il a été collecter des fables, des fables colportées de bouche en bouche, de bouche à oreille, pardon, à travers toute l'Europe de l'Est. Donc là, on est dans la culture yiddish, c'est bien ça ? Absolument. On la garde un peu dans le texte qu'a pondu Agnès, en fait. On n'ignore pas un peu tous ces mouvements-là, mais on a gardé le nom des personnages, il y a un rabbin qui intervient, mais en même temps, on la rend vraiment plus universelle. D'abord, elle est de nos jours, ça se passe de nos jours, et c'est toujours la frontière entre deux mondes. D'ailleurs, Shlomo Anski l'avait dans son D-Book, il y a toujours le passage entre le réel et l'irréel. Et là, on se le retrouve, et dans l'histoire même du D-Book, que je ne vais pas raconter là maintenant, parce que je pense qu'il faut garder un peu de primeur au déroulement, on est toujours entre cet entre-deux-mondes qui existe dans le texte originel. Oui, j'ai été troublé par du bouche à oreille, j'en ai fait du bouche à bouche, parce qu'une histoire d'amour, évidemment, le D-Book affirme que l'amour est la seule voie possible, tout de même. C'est bien oui, ça. Absolument, absolument, et que c'est une histoire éternelle, et en fait, qui se passe aussi dans l'au-delà, pour les gens qui veulent y croire. C'est assez large, en fait. Il y a quand même une très belle place à l'imaginaire. Alors, dans les notes d'attention, Agnès Marietta a dit la chose suivante. Entre théâtre et musique, deux écritures qui vont nécessairement s'opposer, se tordre pour passer du chant au parler, de la narration à l'incarnation. Ça a été donc un travail de création particulier pour vous ? Alors, je suis en plein dedans. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas terminé. Alors, il y a un travail, effectivement, séparé dans le sens où moi, la musique, je l'écris toujours seul. Par contre, la progression se fait avec Marc, Prin. Là, avec Agnès, pour l'instant, je dirais entre guillemets que mon travail est clos, dans le sens où on a beaucoup travaillé sur le texte, mais entre septembre et octobre, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses. J'ai commencé à écrire et j'écris de manière chronologique. Comme il y a énormément de chants qui sont pour les deux rôles principaux. Effectivement, là, c'est une écriture solitaire. Sauf que dans mon avancée, si vous voulez, j'ai rendez-vous régulièrement avec Marc Prin pour lui faire écouter des choses. Et en fonction de ce que lui me dit au niveau de sa vision de la dramaturgie, les choses évoluent. On écrit ensemble, mais la musique, je l'écris toujours tout seul, soyons clairs. Les deux personnages au cœur de cette histoire, Léa et Anan, c'est bien ça, oui. Sont identifiés musicalement. Là, c'est les musiciens sur scène, je crois la flûte à bec pour l'un des personnages, la contrebasse pour l'autre. C'est exact. Alors, c'est un des éléments de la pièce, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas se limiter à ça. Nous sommes trois musiciens sur scène. Il y a donc flûte à bec, contrebasse et quelqu'un qui va jouer les claviers, ce qu'on appelle la MAO, musique assistée par ordinateur. C'est-à-dire qu'on a besoin de, je ne vais pas dire d'effets sonores, parce que ça, j'aime pas du tout, mais disons de matière sonore à traiter en fonction, un, de la dramaturgie, et puis deux, de quelquefois la masse sonore dont on va avoir besoin. Par contre, pour moi, par rapport à ce que vous disiez, texte et musique vont s'opposer, je voulais rebondir là-dessus. Mmh. C'est-à-dire que dans mon cas, la musique n'est jamais illustrative. D'accord. Elle peut diriger un peu les choses, elle peut soutenir quelquefois des éléments, mais elle pourrait s'écouter indépendamment du texte. Une partition écrite qui incorpore également des séquences improvisées, c'est l'homme du jazz qui reprend le dessus. Oui, je ne peux pas m'en empêcher. Je suis désolé, mais c'est impossible autrement. Non, mais en plus, les parties improvisées sont nécessaires dans le sens où les deux chanteurs que j'ai choisis, qui vont donc jouer Léa Anan, sont aussi des chanteurs qui improvisent. Donc, il y a des moments où le rôle de la narratrice, dans le cadre de ce D-book, où elle va avoir différents rôles à jouer. Et il va y avoir des passages où il va y avoir tout un travail sur donc cette progression dramaturgique. Et en fait, on va donner un peu des réservoirs, des puits d'improvisation pour qu'on puisse... autant utiliser les talents. Hein. Les cinq musiciens qui sont dans ce cadre-là sont des gens qui sont talentueux aussi à ce niveau-là. Profitons de l'occasion pour les présenter. Alors, au niveau des chanteurs et chanteuses, il y aura Chloé Caïton donc, qui va jouer le rôle de Léa, Valérie Aumont qui va jouer le rôle de Anan. Il a fallu aussi, dans l'historique, trouver deux jeunes chanteurs, je dirais, compatibles aussi en dehors du côté vocal pour que ça puisse un peu représenter quelque chose aussi physiquement sur scène. Il y aura Benoît Sauvé qui joue les sept flûtes à bec, avec un travail aussi sur la matière sonore puisqu'il utilise plein d'effets. Et il y aura Paul Brousseau qui est quelqu'un, bon, qui est pianiste au départ, mais qui va jouer les claviers avec des tas d'effets et avec un ordinateur sur scène. Et votre serviteur à la contrebasse. Voilà. Eh bien, nous serons au rendez-vous. Je rappelle pour nos auditeurs la création présentée sur scène les 7 et 8 avril 2016 à l'Apostrophe Théâtre des Arts à Cergy-Centre, préfecture, qu'il y aura donc une répétition publique organisée le mardi 12 janvier à 19h précise, contrairement à l'horaire qui a été indiqué dans la plaquette de saison. Une dernière information, François Méchali. Valérie Crouzet sera la comédienne dans le cadre du D-Book. Merci. J'avais en souvenir, parmi les beaux souvenirs, la transméditerranéenne. Elle vit encore cette création précédente ? Oui, elle vit encore la transméditerranéenne et les Gnawa du Maroc, qui ont été créés à l'Apostrophe. Oui, elle vit encore. Il y a encore des projets pour cette formation que je tiens toujours à défendre. Jean-Joël Le Chapelain, François Méchali n'est pas un inconnu à l'Apostrophe. Il a été artiste en résidence pendant 3 ans. C'était en 2009, 2010, 2011, je crois. Oui, absolument, oui. C'est la preuve qu'on peut... Garder des fidélités. Garder des fidélités et des liens. D'ailleurs, c'est un petit peu le sens de la vie, tout court, de la vie artistique. On ne prend pas des chemins pour les abandonner définitivement. Enfin, en tout cas, nous essayons de faire autrement et de continuer des fidélités, même si, évidemment, nous avons moins d'occasions de rencontre que dans le cadre d'une résidence qui est faite, effectivement, pour cela. Mais c'est un ancien projet de François qui nous paraissait utile de pouvoir accompagner jusqu'à le parachever, puisqu'il avait fait une première exploration de cet univers avec une dimension oratorio, hein, c'est plutôt d'inspiration exclusivement musicale, sans mise en scène, alors que là nous sommes dans un projet qui est complètement considéré sous l'angle, alors théâtre musical ou opéra de chambre, c'est des distinctions d'esthète, un petit peu tout ça. En fait, c'est du texte et de la musique, et c'est beaucoup de musique. Et nous attendons avec impatience ce nouvel opus, puisque, François, si j'ai bien compris, et je crois que j'ai bien compris, a complètement réécrit. C'est pas une nouvelle version d'une musique déjà écrite, mais c'est véritablement une création complète et totale avec l'équipe dont il nous a parlé. Absolument. Et je le remercie d'avoir porté ce projet jusqu'à présent sur les fonds baptismaux, en étant très impatient, évidemment, de voir ce que ça va donner. Mais c'est comme pour la parole du dedans, c'est le risque de la création que nous aimons partager et accompagner les artistes à cette fin.